Bonjour, bon dimanche, chers auditeurs, c'est Michel Monette au micro. Je ne parlerai pas beaucoup cette semaine. Je ne parlerai pas beaucoup parce que j'ai la voix enrouée, parce que c'est en train de se jeter dans ma gorge et je tiens à l'épargner le plus possible. Je vous ai préparé de la musique, de la musique, de la musique, de la musique avant toute chose, en effet. Et ça va commencer par Chris Chameleon, l'Afrikaner Chris Chameleon. C'est l'Afrique du Sud, en passant. Les Africaines. La chanson s'intitule Summerson et ça va être suivi par Bratty Orfové dans la chanson Flaconac. Als die Hälfte von jou in mij Zet jij handen gevouw en kraai konen. Speelplek van jou berouw zonde. Als die helfte van mij in jou oorloop, uit die sterke spijs van bitter stroop. Dneska to nehrozí, já to vím, to nevypadá, nic se neblíží, rákosím, to jen stín v záclonách, roztočí spí a ve spíži kromě plísní nic není. Počítám, že pravda je ukrytá uvnitř tvý hlavy. A že jí uvidí, až bude pozdě, to celý zastavit. V kuchyni sedí chlap, čte v novinách a oči klíží, někdo zaklepá, pojďte dál. A v žaludku hryže hlad, dál v záclonách, mí roztočí spí. A ve spíži někdo potichu brečí. Žiješ jak v utajení, ukrytá, neotvíráš, nejsi tam, zvenku to nepoznám. Možná jsme mrtví mnohem díl, než bych se odvážil říct, možná jsme sami. C'était Bratzi Orfovena Vlazo Vzaklonak, excusez-moi. Comme je vous disais, j'ai la voix très enrouée, j'ai même de la difficulté à prononcer. Déjà que c'est pas simple de prononcer du tchèque. Auparavant, c'était Chris Chameleon dans Summerson. On va poursuivre avec Franco Battiato, Quandero Giovanni, suivi de Royson Murphy. La gata. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de CQRL 89.1 à Québec et que vous écoutez l'émission Les Oreilles Ailleurs. Quand ero giovane, andavo a letto tardi, sempre vedevo l'alba, dormivo di giorno e mi svegliavo nel pomeriggio, ed era sera, era già sera. La notte non mi piace tanto, l'oscurità è ostile a chi ama la luce. Si accavallano i giorni come onde, ci sovrastano le cattive notizie in questi tempi di forti tentazioni. Ci sommergono, dobbiamo seguire la nostra coscienza e le sue norme. Viva la gioventù che fortunatamente passa, senza troppi problemi, vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Uscendo dai locali mi capitava di vedere code di macchine sostare al parco Ravizza o al monumentale. La merce era il sesso, compravano sesso e spesso diverso. Viva la gioventù che fortunatamente passa, senza troppi problemi, vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Andavamo a suonare nelle sale della Lombardia e c'era un'atmosfera eccezionale. La domenica di pomeriggio in quelle balere si divertivano a ballare operai e cameriere. Era passata un'altra settimana, pienso sono una gatta che avevo una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. C'était Roisin Murphy dans La Gatta. Roisin Murphy que je vous avais déjà présenté, comme tous les autres chanteurs, chanteuses que je vous présente aujourd'hui, ou groupes que je vous présente aujourd'hui. Mais les chansons, par contre, elles, je ne vous les avais pas encore présentées. Yasmin Hamdam, In Can Fouadi, suivi de Micromusique, Takiego Shlopaka. خيالك قصاد عيني Kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Heavens, strewn in lila.

pour savoir le titre des, connaître le titre des pièces. On poursuit avec Maria Sadowska, la polonaise Maria Sadowska, dans la chanson Paul Walki, suivie de l'allemande Julian Verding, Four Immer. Julian Werding, W-E-R-D-I-N-G, dans la chanson Four Emer. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. Si vous souhaitez nous encourager, en passant, vous vous rendez sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Vous pouvez devenir membre ou faire un don. C'est vraiment très apprécié. Prochaine chanson de Samaris, Vito Vitraste, suivi de Vous, Bocade Ida. Si vous écoutez régulièrement l'émission, Les Oreilles Ailleurs, vous savez que j'ai un grand faible pour Vous. Il faut dire qu'ils sont vraiment bons. Skveran skær Er þín dvölin eina Okkar heimi fjær Viltu vitra stegi Vera staldri nei Áttu aðeins vegi Efstum stjörnarskei Viltu vitra stegi Dokąd płyną dusze, gdy lecą gdzieś na tamten świat. Czy za ciałem im się tkni? Czy miło kiedy ciała brak? Na środku sceny tkwi. A z nim sporawy tłumek dróg. Wieczór się nie klei im. Dawno przestał kleić już. Gotowi rozstać się na dobre i na złe, a on noc, długą noc będzie tutaj stał, całą noc, długą noc będzie tutaj stał, a zabierze go ten, co daleko go zabrać miał. Larry, I'm not sure. C'était le groupe polonais Vovo, ça s'écrit en deux mots, V-O-O-V-O-O. On termine avec un autre groupe polonais. C'est un groupe qui s'appelle... c'est Aivo Woto. Ils ne sont pas polonais. On les écoute dans la chanson TV. Et ça va être tout pour cette semaine. Je vous laisse au bon soin de Michel Bonaparte. L'émission, c'est Topic du Capricorne. À la semaine prochaine. Kiitos, kiitos. Seurananne tänä iltana, hän joka jo vuodet on voinut nimetä hintansa niin. Esirippu, parras, valot, yleisö hurraa, vihreä merkki näyttämölle avot. Jokaisen 15 minuuttia ansaittu, se tulee silloin kun on hampaat jo valkaistu. Kaverit valvoo vierelläs auliina, kadulla ihmiset on ihmeellisen kauniita. Voit olla just sitä mitä olet, tai voit olla vielä paljon enemmän. Joku pystyy tekemään susta tähden, kun sut löydetään, jos sankari jää saaliiks, niin se vaan köytetään. Hei, hei sinä, haluatko tollasen? Aiotko kattoo? Tahotko olla se? Moni kelpaa kantajiksi, harva tartseniksi. Mikä siis sydämellä, oisko susta TV-sankariksi? Olisitko katuhaukka vai kenties teräsmies? Kive kova karateka vai herkkä naisten mies? Vaikka pantasit, niin laitat rantaliksi vanha vitsi. Mikä siis sydämellä, oisko susta TV-sankariksi? 48 tuntia aikaa keksi pelastus. Rikos on ratkaistu, kun epäilty on delannu. Ihmiset kiertää toisiaan, kun ne riitelee. Halatessa kattoo olla yli ja ilme viilenee. Jokainen hätäpuhelu otetaan tosissaan. Virkamies kantaa vastuuta mokistaa. Rillit päässä vaan silloin, jos on tiedemies. Euron burgerit mennessään kielevie. Sarjamurhien ja terroristisolujen jälkeen mies kotonaan korkkaa pullo olusen. Täällä pomotkin taju jalkautuu. Hiukset itsestään kampautuu. Naiset lopulta antautuu. Hei, hei sinä, haluatko tollasen? Aiotko kattoo? Tahotko olla se? Moni kelpaa kantaa. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Même curieux que depuis le temps qu'on essaye d'expliquer aux gens l'origine de l'homme, la nature de l'homme, faire un petit peu d'anthropologie, quoi. Eh bien, il y a encore de ces incompréhensions qui nous mènent à des dissensions. Michel Bonaparte anime Topic du Capricorne dans un instant. On parlera pas de l'opposition entre l'homme et la femme, parce qu'il y a du sexisme. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Je m'appelle Cléo et je suis un chien Saint-Bernard femelle. La pièce de théâtre La Guerre des Tuques est de retour pour 10 représentations seulement, dans un texte décapant et une mise en scène originale de Fabien Cloutier. Du 29 janvier au 8 février au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Une production originale du Théâtre Sous Zéro. Informations et réservations sur le site du musée. L'événement Patrimoine vivant au goût du jour est l'occasion idéale pour découvrir autrement le patrimoine vivant.